J'suis dans un autre monde. Djoul. Tu m'as reconnu? Que tout le monde se pousse, j'suis pas venu pisse, ça y est, j'fais plus de passe. Un peu de vue de buzz et ils pensent à ta place, faut que j'm'apaise. Mal à la tête. Tu les vois pas quand ils ont un problème, ils t'appellent. Jaloux, me sers pas la patte, j'suis pas à savoir où j'habite. J'm'énerve quand j'suis rabat, j'espère que la colle partira vite. Me critiquer auparavant, j'ai un peu de vie, un peu de buzz, mais ils n'embrouillent pas à 20. Nique ta mère, on part à fond. J'annonce qu'on part à vous, vous êtes des traites, des parasites. Et tu le sais très bien, quand j'te vois, tu me dis pas que j'ai pas raison. Là j'ai pas de réseau, faut un peu qu'on s'oublie. J'suis un peu déçu, toi, marché trop subi, pas besoin de t'expliquer. Si t'as bien tout suivi, j'sais bien tout ce qu'ils valent, mais j'sais pas trop ce qu'ils veulent. Tous ils partent, tous ils partent. Et devant, ils ferment leur gueule. Bep, bep, élégant, j'les vends deuxième. En Y, le KTM, quand j'ai fait le blanc, elles aiment. Ils se rappellent plus de rien, à croire qu'ils ont l'Alzheimer. Devant, ils font les banders, quand j'pars, ils disent Schalheimer. Et la lumière, tu vas te l'éteindre tout seul. Tout ça, c'est pas beau, mais de toute façon, la moulin me fait tousser. En showcase, ça se pousse. Délire sous le coussin, mon bébé me fait des bousses. Y'en a, ils ont l'air tous, un pute cambute à la tousse. Avec ses potes, ses cousins, qu'il carotte à 100%. L'équipe, il fait poursuite. Oh, ce sont ces pour ceux qui se cachent pas dans la course, qui ont une barrette pour 6. Ça travaille les esquives, en promenade, pec en l'air, Matrix et lunettes de ski. Bon aujourd'hui ça froid ski, à l'année ça met plus de buts que les Vandoski. En cellule dans le froid, sous vodka ou sous whisky. Il appelle sa folle sur le i. Du PGP ça gère l'hazi. Dans le même bâtiment que l'ennemi. C'est normal que la haine monte. Et dehors c'est la street, ça fait des paras sous la pluie. C'est dur de faire des braquages pour mettre la daronne à l'abri. Ça tombe à du ciel, y'a pas d'abracadabra. À part si demain tu te fais le fourgon de la Brinks. En fumée tu fais les zébras. C'est d'assumer toutes les épreuves. Bientôt l'été, travaille les bras. Tu prends un tort, on veut des preuves. Eh bande d'enculé. Ah là là. Que des salopes. Putain de merde. Y'en a marre des gens comme ça. Sur Pépé, faut leur faire quelque chose. Ça va péter. Que des ingrats. Qui mange du foie gras. Ah, c'est ta boucade. C'est ma mère. Heureusement qu'il y a la team Joule là. Vite. Où je serais sinon là. Que des enculés, frère. Ma mère, tu leur donnes. Zéro reconnaissance. Bien joué. Mais bon. Mais bon, je les ai connus, après j'ai vu leur vrai visage, c'est bon. Faudrait un peu que je m'éloigne, que je tourne la page, c'est quoi. J'ai plus envie de boire des gains. Surtout ces faux culs, quand ils parlent ils prennent des gants. Quand ils te voient plus ils tiennent des glands. Sous la famille y'a pas de limite. Dans le bloc ça va à la mort, coupé à des produits chimiques. Le monde tourne à l'envers, frérot, même tes ennemis timides. Tu vas être trempé, prends de calage. Un Glock et 10 bits. J'ai des souches dans la grande villa, mais je me sens seul. On me rappelle que je suis Joule quand ils veulent la photo, que je mets l'essence. Je sens des choses insensées, à la base on était censé céder. Parce qu'au départ on était tous sans sous. Donne-lui 10 000, il change d'équipe, donne-lui 100 000, il vend sa mère. Donne-lui 10 000, il change d'équipe, donne-lui 100 000, il vend sa mère. Souvent. Sous le mouton se cache le loup. Je traîne plus trop de gars chelou. À la base y'a pas de ça chez nous. J'ma grommette et ma chaîne. J'm'en voiture et ma chérie. J'suis tout en haut. Ils essaient de m'atteindre. Ha ha ha, je ris. Ils ont peur, tu les vois plus après quand ils sont en chérie. Ça peut être à cause du pâtissier que ça braque la boulangerie. Beaucoup croient pas en moi. Là j'suis de retour comme trunk. Les minots disent on braque parce qu'on est contraint. Bienvenue dans le world, y'a plus d'un contraint. Ça parle en sous, en arme, en contrat. Trop de faux culs. Trop de double visage. On en a marre. Les loups déguisés en moutons là. Hein? Tu crois que t'as pas cramé? Donne-lui 100 000, il vend sa mère. J'te folle. Eh, maintenant c'est plus pareil. Sous le mouton se cache le loup. J'te une photo cache le loup. Eh, tout a changé. Les gens. Même les ruelles, elles ont changé. Y'a tout qui change. Les saisons, des nouveaux problèmes, que des merdes. Mais bon, on fait avec, hein. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça, c'est la vie. Faut assumer. Tout ce qu'on fait, faut l'assumer.